bloque sa mère. J'ai tout un tas d'ennuis. Faut que je me barre vers la mer. J'fume un bédo de hit. J'm'alimente par la verre. Parano, j'regarde par ma vie, j'suis cuit. AMG, pied plancher. Quand j'bombarde à mort, Hakrabi, je revis. Elle me rappelle pour me dire mon bébé. Quand j'la rafale, elle crie des mayday. Hier les gouttes, aujourd'hui élevées. Elle est trop douce, peut plus la next day. Elle me rappelle pour me dire mon bébé. Quand j'la rafale, elle crie des mayday. Hier les gouttes, aujourd'hui élevées. Elle est trop douce, peut plus la next day. Pay, pay, pay. C'est pas mon day, day, day, day. Pay, pay, pay. C'est pas mon day, day, day. Calé dans le bloc, j'compte mes love et j'me dis que la rue ça rapporte. Bébé ne parle pas de mon chiffre. À l'époque tu m'aurais foutu à la porte. T'inquiète, je pars, pars, pars. J'suis dans mon bas de bas de bas. La frappe comme des me barbares. Sans pas de taille, taille, taille. Pay, pay, pay. C'est pas mon day, day, day, day. Pay, pay, pay. C'est pas mon day, day, day, day. Une gitana. Elle fait la force, une gitana.